أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس أو جان فقد جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم Il est venu d'après المقداد بن الأسود qui a dit au prophète d'Allah عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا رسول الله أرأيت إذا لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا أو مثل إذا الله وتدوم si je rencontre un homme mécréant lors d'une bataille et qu'un duel se produit entre moi et lui فضرب إحدى يدي بسيفه حتى قطعها et il a frappé l'une de mes deux mains de par son épée jusqu'à ce qu'il l'a coupée ثم لذا مني بشجرة et ensuite il a fui de moi et s'est réfugié derrière un arbre فقال أسلمت لله et puis après il a dit je me soumets à Allah فقال هذا الصحابي et donc ce compagnon il demande au prophète أقتله بعد أن قال هذا الكلام؟ Est-ce que je dois le tuer ou est-ce que je peux le tuer après qu'il ait dit cette parole؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit ne le tue pas. فقال ذاك الصحابي. Et ce compagnon a répondu يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها او قبل الله il a coupé l'une de mes deux mains et ensuite il a dit cette parole là après l'avoir coupé فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله فان قتلته فانك بمنزلته قبل ان يقول او فانه بمنزلتك قبل ان تقتله وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne le tue pas, car certes, si tu le tues, il sera ou il aura atteint ton degré avant que tu le tues. Le degré que tu possédais avant que tu le tues. Et toi, tu auras atteint le degré qu'il possédait avant qu'il dise cette parole. وهذا حديث متفق عليه. Et ceci est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou un muslim. ففي هذا الحديث العظيم من الفوائد. Et donc on prend en leçon à tirer de ce grand hadith. أن هذا الدين لا يؤخذ بالحمية ولا بالحماس ولا بالهواء. Que cette religion, elle ne doit pas être prise, par la fougue, ni par le fanatisme, ni par une quelconque passion. وإنما يؤخذ هذا الدين بالعلم النافع. والعلم قال الله وقال رسوله. Mais bien au contraire, cette religion doit être prise par science. Et la science n'est autre que la parole d'Allah et la parole de son messager, عليه الصلاة والسلام. فهذا الله المؤمنين إلى سواء السبيل والسير النبي. Et donc, Allah a certes guidé les croyants vers une voie droite et un chemin raisonnable. وأبعدهم عن اتباع الأهواء المضلة. Et il les a certes éloignés de suivre les passions qui égarent. فقد جاء عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Et il est venu d'après معاوية ابن أبي سفيان que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا إلى 72 ملة. Ceux qui vous ont précédé parmi les gens du livre se sont divisés en 72 sectes. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة أو ملة. Et certes, cette communauté, la communauté de l'islam, va se diviser en 73 sectes. 72 في النار. 72 de ces sectes iront en enfer. وواحدة إلى الجنة. Tandis qu'une seule parmi elles ira au paradis. قال وهي الجماعة. Et ce n'est autre que le groupe de croyants qui sont restés sur la vérité, c'est-à-dire sur le kitab et la sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. وهذا حديث أخرجه الإمام ابن أبي داود بسند صحيح. وفي رواية من هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et dans une version de ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إنه سيخرج من أمتي أقواما أو أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. Certes, il va sortir ou il va apparaître dans cette communauté des groupes dont les passions, les engloberont comme la rage englobe le malade. Comme la rage englobe le malade. وقال أحد الرواة من هذا الحديث الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. Et parmi les caractéristiques de la rage, lorsqu'elle touche la personne, c'est qu'elle ne laisse aucune partie de son corps, ni une veine, ni une articulation, sans la pénétrer. نعم. ومن أشد الفرق اتباعا للأهواء فرقة الخوارج. Et parmi les plus grandes sectes qui ont suivi leur passion, la secte que l'on appelle Al-Khawarij, et à laquelle est affilié tous les groupes qui prônent le terrorisme ou qui y appellent. وهي أول فرقة ظهرت في الإسلام. Et c'est la première des sectes égarées qui est apparue en Islam. على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهم الذين قتلوه وقتلوا عليا بعده. Et ce sont eux, c'est-à-dire que cette secte est apparue lors du califat de Uthman ibn Affan. Et ce sont eux aussi qui ont tué Uthman puis Ali. ابن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عنهما. وهذه الفرقة هي التي تكفر المسلمين لوقوعهم في بعض الكبائر التي لا تبلغ حد الشرك والكفر. إذن c'est elle qui rend mécréants les musulmans pour des grands péchés qu'ils ont commis, bien que ces grands péchés n'atteignent pas le seuil de la mécréance ni du shirk. نعم ويزرعون في قلوب الرعية البغضاء والعداوة على ولاة الأمور. Et ils sèment dans les cœurs des citoyens la rage et la colère envers les dirigeants musulmans. فخرجوا باللسان وخرجوا بالسيوف. Et donc ils sont tout d'abord ils se sont rebellés contre les gouverneurs par leur langue, puis ensuite par leurs épées. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Oh croyants, obéissez à Allah et obéissez à son messager et aux dirigeants parmi vous et à ceux qui dirigent parmi vous. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. Et le prophète sallam a dit d'après Abi Huraira: Man ata'ani faqad ata'a Allah. Celui qui m'a obéi, il a certes obéi à Allah. Wa man ata'a wa man 'asani faqad 'asa Allah. Et celui qui m'a désobéi a certes désobéi à Allah. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani. Et celui qui a obéi au dirigeant musulman, il m'a certes obéi. Wa man 'asa الأمير فقد عصاني. Et celui qui a désobéi au dirigeant m'a certes désobéi. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم. نعم فطاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله أمر واجب برا كان أو فاجرا. Et donc le fait d'obéir au dirigeant musulman, du moment que cela ne comprend pas une désobéissance à Allah, ceci est une affaire obligatoire à tout un chacun. Et ceci même si ce dirigeant est un homme pieux ou c'est un homme pervers. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخرجه الإمام الأجري في كتابه الشريعة عن سويد ابن غفلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه a dit à son compagnon سويد ابن غفلة: لعلك أن تخلف بعدي. Il se peut que tu vives après moi et que tu connaisses d'autres gouverneurs. فأطيع الإمام. Obéis au gouverneur. فإن كان عبدا حبشيا. Et ceci même si ce gouverneur est un serviteur éthiopien. فإن ضربك فاصبر. Et s'il te frappe, patient. وإن حرمك فاصبر. Et si il t'interdit ou il te prive de certaines choses, patient. وإن دعاك إلى أمر منقوصة في دين في دنياك فقل سمعا وطاعة. Et s'il t'appelle dans une chose, dans une affaire qui va diminuer tes biens, alors réponds par l'écoute et par l'obéissance. وقل دمي دون ديني. Et dis: prenez mon sang et pas ma religion. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. Et il est venu d'Anas ibn Malik qui l'a dit: Nahana kibara'una min ashab Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalu. Les plus grands des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit plusieurs choses. Et ils ont dit: La tasubbu umra'akum wa la tagushuhum wa la tubghiduhum. N'insultez pas vos dirigeants et ne les trahissez pas et ne les détestez pas. واتقوا الله واصبروا. Craignez Allah et faites preuve de patience. فإن الأمر قريب. Car certes, l'affaire est proche. نعم. ولهذا كان إمام أهل السنة والجماعة الإمام الجبل أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله كان يقول. Et c'est pourquoi l'imam Ahmed avait l'habitude de dire: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. si j'avais une dua, si j'avais une invocation exaucée, j'aurais certes invoqué en faveur du dirigeant musulman. Naam. وقال الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة إذا رأيت رجلا أو إذا رأيت الرجل يدعو لولاة الأمور بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة. الإمام البربهاري يدي si tu vois une personne qui invoque en faveur des gouverneurs, sache que ceci ou cette personne est une personne, un partisan, fait partie des partisans de la sunna. N'aim. Fa firqatul khawarij, firqatul khabitha, mudilla. Donc la secte des khawarij est une secte égarée. N'aim. Wa min a'zam dalalatihim, et fait partie de leurs plus grands égarements, amaliyatihim al-khabitha, al-intihariya, allati taqtul al-abriya, min al-muslimin ou ghayr al-muslimin. Et parmi leurs plus grandes ou leurs plus grandes formes, leurs plus grandes formes d'égarement, le fait que leurs opérations suicidaires qui tuent de nombreux musulmans parmi les innocents ou même d'autres que les musulmans. Naam. Fataqtul an-nisa was-sibyan wash-shuyukh. Et ces opérations suicidaires tuent des femmes, des enfants ainsi que des personnes âgées. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, celui qui tue un croyant volontairement, alors il se verra dans le feu de l'enfer pendant un très long moment, et sur lui sera le châtiment ou la colère d'Allah ainsi que sa malédiction, et sur lui il aura acquéri un énorme châtiment. نعم وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة في بعض مغازيه. Le prophète sallam est passé devant une femme qui a été tuée lors d'une bataille. فأنكر قتل السبيان والنساء. Et donc le prophète a fermement réfuté le fait de tuer les femmes ainsi que les enfants. Wa fi ba'd al-ahadith al-ukhra qala la taqtulu shaykhan faniyan. Et ne tuez pas, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne tuez pas une personne qui a atteint un âge avancé. Na'am. Fa kullu hadha haram wa hadha إضافة إلى أن انتحار النفس حرام من كبائر الذنوب. Et ceci sans ajouter que le fait de se suicider en islam est formellement interdit et fait partie des كبائر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Et certes, Allah سبحانه وتعالى dit: ne tuez pas vos propres personnes, car certes Allah est pour vous miséricordieux. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر رجلا. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a évoqué une personne qui durant la bataille a été blessée et n'a pas patienté sur le fait que ses ennemis pouvaient le saisir vivant. Donc il s'est donné la mort. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى بادرني عبدي بنفسه فحرمته الجنة. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de cet homme: certes, mon serviteur s'est précipité, alors je lui ai interdit de par cela l'entrée au paradis. فَإِنْحِرَافُهُمْ بَيِّنْ وَاضِحْ. L'égarement de cette secte est clair et limpide. فَالْحَذَرْ الْحَذَرْ مِنْ اتِّبَاعِ مِثْلِ هَؤُلَاءِ. Et donc, il faut faire très attention de suivre ce genre de pensée erronée. وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a mis en garde contre eux avant même qu'ils apparaissent. وقال لو أدركتهم لقاتلتهم مثل قتل عاد وثمود. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: si j'aurais atteint l'époque où ils allaient sortir, c'est-à-dire cette secte, je les aurais combattus comme l'on combat le peuple de عاد وثمود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأبواب العلم، فأبواب الدين كلها تؤخذ بالعلم وتطبق به. Donc les chapitres de la religion sont tous à prendre et à mettre en pratique avec science. لا سيما هذا الأمر الجلل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه ذروة سنامي، إنه ذروة سنامي الإسلام. Et surtout au sujet de cette affaire que le prophète صلى الله عليه وسلم a évoqué comme étant le sommet de l'islam. نعم، فهذه الأمة يقودها العلماء الربانيون من أهل السنة والجماعة لا غيرهم. Et certes, cette communauté, elle est guidée et orientée par les savants de Ahlus Sunnah et non pas autre. وهذه الفرقة ليست معها عالم ولا إمام قط من أهل السنة. Et cette secte n'a aucun savant avec elle pour appuyer ses fers. نعم. بل علماء المملكة العربية بكافتهم وعلى رؤوسهم الشيخ المبجل المحدث عبد المحسن بدر العباد والشيخ الفوزان واللجنة الدائمة كلهم يحذرون من هذه الفرقة. Et la plupart des grands savants, que ce soit du royaume d'Arabie Saoudite, tous ils sont unanimes pour mettre en garde contre cette secte égarée. وكذلك علماء ديار اليمنية على رؤوسهم الشيخ المبجل الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبقية المشايخ كلهم يحذرون من هذه الفرقة. Et aussi les savants du Yémen, tous ils sont unanimes pour mettre en garde contre cette secte égarée. فكل من اتصف بالعلم سواء كان من بلاد الشام أو مصر أو تونس أو الجزائر أو المغرب العربي أو المالي أو سنغال أو جزر القمر كلهم متفقون على أن هذه فرقة مبتدعة ضالة لا ينبغي اتباعها في هواها. Donc tous les gens de science, que ce soit des gens de science de l'Algérie, du Maroc, du Mali, du Sénégal ou de tout autre pays, ils sont tous unanimes pour dire que cette secte est une secte égarée que l'on ne doit pas suivre. ولا نقول هذا الكلام خوفا لأحد ولا تجملا لأحد لكن نقوله تدينا. Et on ne dit pas cette parole pour plaire à qui que ce soit ni par peur de qui que ce soit. ولله الحمد والمنة. لكن on dit cette parole parce que c'est une religion. وقد كان السلف يقولون إن هذا الأمر الدين فانظروا عن من تأخذوا دينكم. Car les salafs avaient l'habitude de dire cette affaire est une religion et observez de qui vous prenez cette religion. Alhamdulillah Rabbil Alameen.